France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le drame d'Ilan Halimi, notre invitée Caroline Toby, avocate pénaliste. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous avez défendu donc Ruth Halimi, la mère d'Ilan. Vous témoignez de votre expérience dans le livre de Julia Minkowski et de Lisa Vignoli, L'avocate était une femme, le procès de leur vie. On y reviendra. Vous avez été membre du Conseil de l'Ordre des avocats et du comité directeur de l'Association des avocats pénalistes, l'ADAP. Vous êtes une spécialiste de droit pénal, bien sûr. Associée fondatrice du cabinet Stas, vous co-dirigez le pôle contentieux pénal aux côtés de Francis Spinner, votre associé historique, hein, et Vincent Nioret, qui lui est vice-bâtonnier de Paris. Alors, ce crime a profondément choqué les Français parce qu'il est abominable dans les faits et dans la motivation des criminels. Lors du procès, vous aviez, j'imagine, tout à fait conscience de l'impact de cette affaire sur la société. On n'est pas dans un dossier de droit commun, si je veux dire, un crime de jalousie, voisinage, passionnel, c'est beaucoup plus que ça. Or, tout ce qui s'est dit dans le prétoire, c'est dit à l'intérieur de la salle, parce qu'il y avait le huis clos. Ça, c'est un vrai problème. Ça a été un vrai problème. Est-ce que vous le regrettez encore? Oui, tout à fait. Vous savez, Fabrice, j'ai aujourd'hui presque 30 ans d'expérience, et je crois que c'est le procès qui a le plus marqué ma vie professionnelle. D'abord, de par la gravité, la cruauté des faits que vous avez rappelés, mais aussi parce que ce procès, il s'est tenu pendant à deux reprises, pendant 3 mois, de 9h du matin à 10h du soir, tous les jours. Tous les jours, nous étions aux côtés de Ruth, mais également de ses filles, c'est-à-dire des sœurs de Ilan Halimi, en face des 24 accusés. C'était une tension incroyable. Et voilà. Et c'est vrai que le huis clos, c'est un peu un échec. Nous l'avons vécu un peu comme un échec parce que nous voulions, nous, une audience publique. Nous voulions une audience publique parce que nous considérions que ce procès devait s'apprécier dans sa globalité. Aujourd'hui, on se souvient évidemment de cette affaire et on se souvient que le gang des barbares, les 24 accusés, ont été tous condamnés à des peines de prison plus ou moins sévères. Mais moi, je pense que ce sont les détails de ce procès qui ont manqué peut-être au niveau des médias et au niveau de la médiatisation. Bah parce qu'on n'y était pas, évidemment. Voilà, exactement. Quel genre de détails, par exemple? À quoi vous pensez? Je pense, et moi ce sont les détails qui me reviennent régulièrement à chaque fois que je pense à cette affaire. Les détails, c'est les conditions de détention et de séquestration d'Ilan Halimi. Vous en avez rappelé quelques-unes. Je pourrais citer l'appartement sans lumière, sans gaz, sans eau chaude, dans lequel il a été séquestré pendant 24 jours, alors que cet appartement non chauffé, nous étions au mois de février, il faisait moins 4 degrés. Je pourrais rappeler aussi la nourriture, c'est-à-dire des protéines qui étaient données avec une paille, les vêtements d'Ilan Halimi qui ont été coupés le premier jour au ciseau. Dès le premier jour, je pourrais rappeler ses besoins qui devaient être faits dans des sacs poubelles. Et si ça n'était pas le cas, il y avait des violences gratuites, un coup de cutter, voilà, il y a plein de détails comme ça. C'est ça, un millefeuille d'éléments qui montrent qu'il y a, au-delà de récupérer de l'argent, une volonté de faire mal. Une volonté de faire mal et surtout de traiter Ilan Halimi comme pas comme un humain, comme un objet. C'est ça. Voilà. Certains s'exprimaient en disant l'autre, c'est-à-dire qu'il était totalement, mais on y reviendra, il était totalement déshumanisé. Voilà. Donc la violence était sans limite, finalement. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que ces détails, moi je me les rappelle régulièrement, et voilà, c'est pour ça que le huis clos, on le regrette beaucoup. Vous le regrettez d'autant plus que ça n'a pas pu être aussi le procès de l'antisémitisme qu'il aurait pu être si la tribune avait été publique ou si les journalistes avaient pu faire des comptes rendus comme dans un procès classique, et cette polémique soulevée par ceux qui ont dit mais non, ça n'est pas antisémite, donc qui ont entretenu le déni, hein, c'est une sorte de déni, ça en a ajouté, j'imagine, au malaise. Oui, c'est vrai, vous avez entièrement raison, et c'est vrai que dans cette affaire, beaucoup de gens ont au départ contesté le caractère antisémite. Ilan Halimi a été victime d'un préjugé. Ce préjugé, c'est les Juifs ont de l'argent. Et ils sont solidaires. Et ils sont solidaires parce que si la famille d'Ilan Halimi n'a pas d'argent ou pas assez, eh bien la communauté paiera. Et ben, c'est précisément ce préjugé qui est antisémite. Complètement. Et ça a été, ça aussi, un combat pour le faire admettre, parce que ça n'était pas évident au départ. Et on a trouvé aussi on le disait dans le récit, des objets, des références djihadistes également. Tout à fait. Donc on a l'antisémitisme, j'allais dire, je fais attention au mot, parce que c'est de base, les Juifs ont de l'argent, donc ils vont payer, et puis on a un antisémitisme politique également. Exactement, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Que pensez-vous de la dernière enquête? Alors ça c'est en écho à ce qu'on vient de dire, publiée cette semaine sur le sujet, qui montre que les Juifs de France ont été plus d'un sur deux insultés en raison de leur appartenance religieuse ou culturelle, que certains Juifs de France disent à leurs enfants, bah, n'allez pas là, n'allez pas ici. On est en 2021, on parle d'une affaire qui remonte à 2006 et on en est toujours là. Oui, ce sont des chiffres qui font peur quand même. Ce sont des chiffres qui font peur et comme vous dites, on est en 2021 et on est en France. Et qu'aujourd'hui en France, on soit obligé de dire à nos enfants, ne portez pas de signes religieux parce que c'est dangereux, n'allez pas à tel endroit parce que c'est dangereux, eh bien c'est terrible. C'est terrible. D'abord, on voit bien que l'antisémitisme a changé de nature, hein, et puis depuis cette affaire qui a été quand même révélée que l'antisémitisme avait changé de nature. Mais c'est vrai que, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Comment elle se fait, la prise de conscience? Eh bien, peut-être par la médiatisation de plus en plus de ce genre d'affaires. Et aussi par un procès qui ne serait pas huis clos, par exemple. Exactement, par un procès qui ne serait pas à huis clos, et peut-être qu'il faut aussi une réponse judiciaire plus ferme et plus radicale, plus efficace. Pourquoi je dis ça? On voit bien, alors je vais citer Alain Soral, mais il y en a d'autres, qui font l'objet de plusieurs condamnations sans aller un jour en prison, parce que quand vous déposez plainte, les infractions antisémites aujourd'hui sont sous le coup de la loi de la presse, ça veut dire qu'avant d'être jugé, il se passe 2 ans. Je sais pas, si par exemple, je réfléchis à voix haute, nous pouvions aujourd'hui procéder à des gardes à vue en flagrant délit, et puis à des déferments en comparution immédiate pour ce genre d'infraction qui permettrait de prononcer des peines de prison ferme dès le départ, peut-être que ça aurait un aspect un peu plus... Voilà. Renforcer le côté délictuel d'une parole, ne serait-ce qu'une parole. Hein. Il faut peut-être réfléchir à une réponse judiciaire plus radicale, oui. Dans le livre « L'avocat était une femme », au tout début du chapitre consacré à votre témoignage, vous dites « Chez moi, le procès Ilan Halimi » nous a tous abîmés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que j'imagine, évidemment, je ne suis pas surpris que toutes les personnes, les professionnels de la justice qui ont participé à ce procès, je ne suis pas surpris qu'ils en aient été marqués, évidemment. On ne ressort pas un homme d'une chose comme ça. Mais vous dites, le procès Ilan Halimi nous a tous abîmés. Oh, je pense que j'ai été tellement impliquée professionnellement, bien sûr, mais également émotionnellement dans cette affaire, comme je vous dis, qui a duré pendant le premier procès 3 mois, tous les jours, pendant 10-12 heures par jour, en face des 24 accusés. À un moment donné, je pense que j'ai manqué peut-être du recul nécessaire. Vous savez, je rentrais chez moi, on mélange tout. Moi, j'ai un fils qui s'appelle Ilan, je rentrais chez moi, évidemment je me jetais dans ses bras, c'est un peu irrationnel, mais c'est ça que je voulais raconter aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai que il nous a abîmés parce que je le portais toute la journée, je le portais le week-end, la nuit, ça a été vraiment quelque chose de très marquant. J'imagine, aisément. On va se retrouver dans 3 minutes, après avoir écouté Au Clou et Pomme Galore. Caroline Toby, vous défendiez donc la mère de la victime, Ruth Halimi. Alors, le procès a été quelque chose de dur, enfin, qui vous a secoué, hein, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a un moment plus marquant que les autres dans ces jours de procès, pour vous? Peut-être le souvenir qui vous vient à l'esprit immédiatement? Écoutez, celui qui me vient à l'esprit, c'est le souvenir de... Bah, pendant le procès, à un moment donné, la présidente décide de passer à l'audience un enregistrement, qui est l'enregistrement d'Ilan Halimi, en réalité, au bout de 10 jours de séquestration, son ravisseur va téléphoner à sa mère, à Ruth, pour lui passer son fils. Et il y a cet enregistrement où on entend Ilan Halimi implorer sa mère de le sortir de là. Et je crois que ça a été un des moments les plus... Déchirants. Voilà, déchirants. Oui, ouais. Oui, oui. Bien sûr. Si vous vous présentez un dossier comme celui-là, aussi difficile à défendre, que feriez-vous aujourd'hui? Si je quoi? Si on vous présentait un dossier similaire. Oui. Et à défendre? Je crois que je ferai pareil. Parce que finalement, je suis comme ça. Et je crois que ma façon à moi de porter de porter un dossier, de porter une défense, c'est d'y mettre, également mon affect. Et finalement, c'est un moteur. Voilà. Bon. Alors, le livre parle des avocates. Je me souviens d'un temps pas si lointain où il y avait des cartes de visite d'avocates. C'était madame, un tel, avocat à la cour. Bon, j'imagine que ça a changé, j'espère. Comment, en tant que femme avocate, comment on s'inclut dans le barreau? Enfin, je vais être plus simple. Qu'est-ce que ça change dans l'exercice du métier avocate plutôt qu'avocat? Je vais avoir du mal à vous répondre à cette question. Moi, j'ai prêté serment en 93 et je crois que les choses ont beaucoup évolué quand même. C'est-à-dire qu'en 93, c'était un sujet. Et c'est vrai que quand je débarquais dans une prison pour défendre, voilà, pour me présenter auprès d'un client, ben on me regardait peut-être un peu de travers, on avait peut-être un peu moins confiance. Est-ce que c'était parce que j'étais une femme? Est-ce que c'était parce que j'avais peu d'expérience? En tout cas, ou ça aussi, deux. Ou les deux, exactement. En tout cas, ça aussi, ça a été un moteur pour bah, pour montrer que bah, qu'une avocate femme pouvait parfaitement réussir, pouvait parfaitement défendre. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de femmes pénalistes qui réussissent, qui font ce métier, qui le font avec passion. Et moi, j'ai l'espoir de penser que ça n'est plus un sujet. Mmh. Voilà. Faut inventer un mot maintenant. Ténor au féminin, ça fait quoi? T-E-N-O-R. Ouais, ténor au féminin, avec exactement. Un e. Bien. Dernière question. Aujourd'hui, vous défendez, il vous arrive de défendre des avocats. Oui. Dans quel cadre? Comment ça se passe? Et... ben, c'est étonnant, c'est... ce jeu de miroir quand même. Ouais. Cette mise en abîme. Ouais, ici. Ouais. Je défends aujourd'hui beaucoup de mes pairs. En fait, voilà, ah oui, exactement. C'est ça, hein. Alors, c'est soit dans le cadre de procédures disciplinaires, c'est-à-dire devant le Conseil de l'Ordre, statuant en audience disciplinaire, mais ça peut être aussi au pénal, parce que ben la voilà, il y a des confrères aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui sont poursuivis pénalement pour des faits, et je voilà. Bon. Comment ça se passe? Eh ben, ça se passe comme pour un autre dossier où mon client n'est pas forcément un avocat, c'est-à-dire que voilà, c'est une défense, voilà. C'est comme un dentiste qui se forme une dent, quoi. Ouais. Ou qui enlève une dent à un autre dentiste. Qui enlève une dent. Mais c'est ça, un autre dentiste. Voilà, c'était pour finir sur une note un peu légère, parce que l'histoire que nous avons racontée est évidemment éminemment très très dure. C'est, je comprends que ça soit pour vous très marquant. Et d'ailleurs, dans Affaires Sensibles, c'est probablement l'une des histoires les plus marquantes qu'on ait racontées. Merci infiniment. Merci à vous de m'avoir invité. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Ilan Halimi, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Recherche, documentaire, écriture, Julienne Proutot, Héloïse Rambert, Judith Chétrit, Adrien Cara, attaché de production Rebecca Donand, programmation musicale Valentine Chaudebois, lecture Sonia Mella, Cécile Ribocaillol, Claude Ascolovitch, Eric Oswald, Aurélien Labrouillère et Philippe Pierrard, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay, Flora Bernard et Stéphane Combe.